Diana qui a des cheveux tout bleus et d'un rouge vif sont ses yeux. Dans un appart pourri, elle vit toute seule. On dirait qu'elle fait tout le temps la gueule. Elle pilote une Evangelion, mais personne s'inquiète pour sa peau. Mais moi cette fille me fascine, sa belle vraie Ayanami. Elle sortait de douche et j'ai vu ses boobs. Y'avait menace d'éruption dans mes boobs. Elle s'entend avec mon papa, mais c'est pas grave, je lui en veux pas. Mais moi cette fille me fascine, la belle Rei Ayanami. Une pilote et ma pleine de secrets. Moi cette fille me fascine, la belle Rei Ayanami. Une pilote d'Eva qui me fait rêver. Oh non. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je viens de découvrir. Rei est pas humaine, fait m'évanouir. C'est mon vieux qui aurait cloné ma mère. Avec un ange là je suis vert. Et maintenant le monde s'efface. Faites vos prières, voici le Burning Park. Mais moi cette fille me fascine, la belle Rei Ayanami. Une pilote d'Eva qui me fait flipper. Moi cette fille me fascine.